Salut Eric, donc bienvenue chez Denis Deep Gaming pour cette première émission donc de Interplayer 2. Donc c'est toi qui va un peu essuyer les plâtres, donc bienvenue. Eh ben bienvenue à toi, merci à toi Denis. En plus je découvre le nom de ta nouvelle chronique, c'est une nouveauté pour moi. Et oui, c'est un peu la primeur, hein. Effectivement, je l'avais pas annoncé. Enfin, les gens qui verront sur la vidéo quand ils cliqueront, ils auront le nom. Mais effectivement, je ne te l'avais même pas dit pour dire à quel point cette émission est très bien préparé. Donc, Merci. Je suis ravi et très honoré. Non, tout l'honneur est pour moi d'avoir accepté. Hein. J'aurais eu l'air un peu bête si personne n'avait accepté de venir jouer avec moi. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de tout ce qui fait de nous en fait des players, des gamers, on pourrait peut-être parler un petit peu de ton cursus en fait. Qui es-tu, Eric de jeuxungamer.com et où, comment en es-tu arrivé là un peu dans la vie à la fois du gaming et la vie en général, sans trop rentrer dans des réflexions philosophiques? Ouais, alors je suis né à Alès dans le Gard, qui est une petite ville minière. J'ai eu la chance de vivre quelques temps à l'île Maurice, puisque ma mère est mauricienne et mon père est ch'ti, et je suis très fier de mon mélange en fait. Pour te parler rapidement de mon cursus, je suis allé à la fac, j'ai fait LEA, langue étrangère appliquée, donc de formation à la base, je serai, je dis pas au conditionnel, hein, linguiste. Et si on devait aller encore plus loin, je m'étais initié au métier de la négociation de projets en tout genre, donc j'aurais pu faire de l'humanitaire, de la résolution de conflits, mais finalement ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'orienter dans les métiers du web. Donc ça fait 10 ans que je travaille à mon compte et que je suis référenceur, voilà, rédacteur web. Donc ouais, donc t'as préféré partir sur ce côté-là plutôt que, je sais pas, être ministre de la diplomatie Ouais, bah en fait ça s'est fait de fil en aiguille, hein, au fil des rencontres. Et tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune formation en école qui te promet véritablement un métier à la sortie. C'est très difficile aujourd'hui de trouver sa voie, sa vocation. Et puis, le marché de l'emploi n'est pas non plus évident, quoi. Mais voilà, ouais, ça s'est fait naturellement, on va dire, tu vois. Voilà. Donc, du coup, bah, je suis un gamer.com. C'est un projet qui est arrivé. En fait, c'est un projet qui est né d'une frustration. Parce que à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte et j'étais très frustré au quotidien parce que, si tu veux, mes tâches créatives étaient très limitées. Et le peu de tâches créatives que j'avais, elles donnaient lieu à des conflits avec mon employeur. Il aimait pas ce que je faisais, il trouvait que j'en faisais trop. Et moi, dans ma tête, je me prenais pour un... parce que j'écrivais beaucoup à l'époque. Et je me prenais pour un journaliste jeux vidéo, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était absolument ce que je voulais faire. Et j'avais conscience que j'étais à côté de la plaque. Mais mon patron, forcément, n'était pas trop d'accord avec ça. Et du coup, j'ai décidé, en parallèle de mon travail, de lancer un blog, tout simplement, pour partager ma passion et surtout vider cette frustration, tu vois. Et donner libre cours à mon imagination et exprimer ma passion, tout simplement, voilà, quoi. Et ça, c'était en quelle année justement que t'as commencé à te lancer un peu là-dedans? Parce qu'effectivement, je veux dire, il y avait l'époque des blogs et ça, on se rappelle de la première, ouais. L'âge d'or d'Internet, le premier âge d'or d'Internet. Ouais, c'est clair, les blogs existent depuis très longtemps, c'est vrai. J'ai commencé, je crois, en décembre 2015, il me semble. Ouais. Ah oui, donc t'étais déjà bien dans la vie active, c'était pas la première vague des blogs de critiques, tu sais, que t'avais dans 2005, 2006 et les vieux Skyblog. Non, c'était vraiment déjà Ouais. T'étais déjà bien ancré en fait dans la vie active et c'était vraiment un besoin de respirer en fait, ou c'était vraiment plus d'assouvir vraiment une passion ou quelque chose tu sentais vraiment brimé dans le boulot où t'étais en fait. Exactement, ouais. Et puis d'ailleurs, tu sais, quelques mois après, j'ai démissionné, quoi. Donc. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais en fait, si tu veux, je travaille déjà dans le domaine du jeu. Mais c'est pas celui du jeu vidéo. c'est un marché un petit peu annexe qui est celui des jeux de hasard en ligne. Donc, c'est tout ce qui gravite autour des paris sportifs, des paris hippiques, du poker en ligne, des jeux de casino en ligne. Donc, il y avait quand même un rapprochement avec le jeu vidéo. Une de mes tâches au quotidien, c'était d'écrire des tests de machines à sous. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les développeurs de jeux de casino font limite aussi bien que les développeurs de jeux vidéo. Il y a certaines machines à sous, notamment développées par des studios scandinaves qui affichent des animations et des graphismes incroyables, hein, dignes d'un Disney Pixar. Hein. Et si tu veux, c'est ça en fait qui me poussait moi à me mettre dans la peau d'un testeur jeu vidéo. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est pour ça que mon patron n'était pas trop content d'ailleurs, parce que j'étais carrément à côté de la plaque, mais je l'assume et je le savais, tu vois. Voilà. Ah ouais, d'accord. Pour Non, la mais. petite histoire. Ben ouais, non, mais effectivement, c'est un truc qui. Ben oui, mais ça part souvent de là, en fait. Enfin, en général, quand on part pas forcément avec. Enfin, là, je parle pour moi, mais peut-être toi, tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Mais on part pas non plus avec des grandes idées, on part à un petit niveau et puis on y va. Ou toi, déjà, non, quand tu pars là-dessus, au départ, tu pars juste pour faire plaisir. T'as pas encore en tête de développer vraiment un site, ce que va devenir plus tard, je suis un gamer.com, quand même. Bah, si tu veux, il y a deux choses. Déjà, il y a l'idée que moi, j'ai besoin d'assouvir ma pulsion. Tu vois, c'est-à-dire qu'au boulot, j'étais rédacteur en chef. Donc, je pilotais une équipe de 10 rédacteurs web de tous les horizons. Et je passais plus mon temps, si tu veux, à corriger, à lire et à optimiser leur contenu que d'en créer moi-même. Alors que moi, je pense être fait pour ça. J'ai besoin de ça. Donc, en effet, si tu veux, quand j'ai lancé je suis un gamer.com, c'était mon idée de départ, c'était tout simplement de combler ce besoin. Mais je voulais vraiment travailler dans le jeu vidéo, tu vois, ardemment. Et du coup, je t'avouerai aussi que ce blog devait en quelque sorte servir de vitrine et prouver à des potentiels futurs employeurs de quoi je suis capable. Et dans la foulée, j'ai postulé chez très gros sites que tu connais, jeuxvideo.com, Gamekult, Gameblog, je les ai tous faits. Hein. Et il n'y en a aucun qui m'a répondu, à l'exception de jeuxvideo.com. Souvent, c'est vrai que c'est jeuxvideo.com qui est le plus décrié pour son côté très actionnaire, capitaliste, putaclic, machin. Mais bon, ils ont quand même eu le respect et la décence de me répondre. Et en plus, ils m'ont proposé quelque chose que moi, j'ai refusé, tu vois. Mais voilà, l'idée de je suis un gamer.com, c'était ça, en fait. C'était déjà de me faire plaisir à moi, de faire plaisir aux gens qui seraient susceptibles de me lire et éventuellement de me dessiner une carrière dans le jeu vidéo. Voilà. D'accord, ouais. Et justement, donc on parle donc du site je suis un gamer.com, puisque là maintenant c'est quand même vraiment c'est plus qu'un blog, c'est quand même vraiment un site. Et justement, maintenant, alors pour ceux qui connaissent pas, bah, vous irez sur l'adresse, elle sera en description de cette émission. Mais justement, en fait, depuis quand même comment tu l'as développé après, parce qu'on voit que maintenant il y a quand même vraiment plein de rubriques sur en fait Ouais. sur quel type. Donc là, tu as créé, on a vu, mais justement, quel est l'objectif sur ce comment il s'axe en fait ce je suis un gamer? Qu'est-ce qui fait en fait qu'il est un peu différent justement des grandes machines ou d'autres sites, parce que ça Ouais. pullule, on parle des grands sites, mais effectivement des sites ou des blogs de critiques de jeux vidéo, de tests, t'en as maintenant partout sur la toile, ce qui est très bien. Et toi, en fait, qu'est-ce qui amène la différence? Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment amener comme voix un peu particulière? C'est une question compliquée. Alors moi déjà, il faut savoir que finalement, en tant que gamer, hein, avec un regard extérieur, je vais très peu sur les gros sites de jeux vidéo parce que je me reconnais pas forcément dans ce qui est produit sur ces sites. Déjà, je trouve qu'ils sont très aseptisés, ils sont très peu conviviaux, c'est très informel quelque part. Et le jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui est fait pour réunir les gens. Enfin, je le pense. Je le pense sincèrement, je l'espère du moins. Du coup, l'idée, si tu veux, quand j'étais tout seul, c'est clair que je suis un gamer.com, c'était un blog. L'idée aujourd'hui, c'est d'en faire plus quelque chose qui est dans l'esprit d'un web magazine. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans la charte graphique du site au niveau du visuel. Je pense qu'on sera pas proche d'un magazine que tu achèterais dans un kiosque, par exemple. T'as de grandes images, c'est très aéré, puis un texte assez structuré. Donc l'idée, en fait, c'est dans le contenu et dans le fond, c'est d'être en web magazine, c'est-à-dire d'être proche de nos lecteurs et de briser ce côté site aseptisé, juste site d'information qui te balance 10 news dans la journée et que toi tu t'en sors plus, quoi, parce que ce flot d'informations, c'est tellement indigeste et tellement fatigant, tu vois. Et puis le fait de nous orienter vers un web magazine, ça nous permet aussi de mieux choisir nos sujets et surtout de les travailler de manière plus détaillée et pertinente, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est vrai que petit à petit, j'étais seul et puis je me suis rendu compte que mettre en place un projet tel que celui-là tout seul, c'est dur, quoi. Surtout que moi, j'ai pas que le gaming comme passion. J'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai une vie familiale, j'ai un chien, comme tu le sais certainement. Oui, bah on en reviendra peut-être plus tard, effectivement. Et là, j'accueille même un chat, là, parce que je garde le chat de ma belle-sœur. Donc, pour le moment, les deux s'entendent bien, c'est cool. Mais ouais, tu vois, je suis sur plein de trucs. Et pour développer ce projet qui me tient à cœur, j'ai décidé de me réunir, enfin, de m'entourer de personnes qui aiment le jeu vidéo autant que moi, qui ont des choses à véhiculer, et surtout qui considèrent le jeu vidéo autrement. Parce que je pense que ce qui est intéressant dans un média, c'est l'équipe qui gravite autour de ce média et les horizons d'où ils proviennent, quoi. Je sais pas Ouais, si tu me suis. ben si, exactement. Ben oui, de toute façon, le but, c'est ça. De toute façon, comme tu dis, c'est le but du jeu vidéo, mais c'est le but de tout art et art culturel, produit culturel en général. Exactement, C'est ouais. de rapprocher aussi les gens suivant leur goût, mais des gens de différents horizons. Et d'ailleurs, justement, est-ce que tu. Alors, sans nous faire des biographies, est-ce que tu nous parlais un peu des différents profils, des différentes plumes, quelque part, qu'on Ouais. retrouve sur le site? Parce qu'effectivement, quand on lit les différents articles et tout ça. Et après, on parlera un peu du contenu, parce que le contenu est quand même aussi assez différent. Comme tu dis, c'est vraiment pas que de Ouais. l'actu, et il y a vraiment un regard différent. Justement, qui sont ces personnes, et justement, quels sont un peu leur, qu'est-ce qu'ils font, quels ont leur propre voix, en fait. Ouais. Bah alors, mon premier collaborateur, mais je dis collaborateur, mais c'est pas des collaborateurs, c'est plus que ça, hein. C'est des amis. Il n'y a même pas de rapport hiérarchique entre nous. Nous, on forme une équipe et on est tous sur un même seuil d'égalité. Mais c'est vrai que si tu veux, quand j'ai choisi ces personnes-là, je me suis quand même assuré qu'il y ait suffisamment d'atomes crochus, quoi. Alors le premier membre de l'équipe, bon, à part moi, c'est Arnaud, qui du coup est un ami de très longue date à moi. En fait, on s'est rencontrés à Montpellier à l'époque où j'étais à la fac. Et Arnaud est un sacré personnage, c'est un vrai créatif en fait. C'est quelqu'un qui fait de la photo, par exemple. Il a une page Facebook d'ailleurs où il a plus de... Bah, je sais que ça veut rien dire, hein, les nombres et tout ça, mais il a quand même 5000 abonnés, donc 5000 personnes qui le suivent et il fait des photos incroyables. C'est des photos d'horreur en fait, scénarisées. Et il raconte des histoires qu'il invente sur, je sais pas moi, sur un crime qui s'est passé dans la maison d'à côté. Et il scénarise tout ça avec des photos de qualité incroyable, quoi. Il fait limite des photoromans en fait. Ah, c'est exactement ça, c'est le mot en fait. D'ailleurs, tu parles de photos, mais j'ai vu que toi justement, effectivement, t'es aussi un peu photo et t'es aussi, ce qu'on n'a pas parlé, mais t'es aussi un peu dans la production de vidéos. Il me semble que t'avais monté un petit Ouais, studio. c'est bah si pff, ouais. Bah à l'époque, j'étais président d'une association audiovisuelle. Donc j'enseignais un peu le cinéma à des jeunes et on en profitait pour monter des films et avec Arnaud d'ailleurs, on a réalisé des longs-métrages, des courts-métrages, enfin voilà. Arnaud est toujours dedans au niveau photo et vidéo. Moi, c'est vrai que la vidéo c'est quand même très chronophage quoi quand tu développes un long-métrage tout seul. Ça te prend des années de travail, quoi. Et c'est vrai que j'ai moins le temps de me consacrer à ça aujourd'hui. Par contre, oui, la photo, j'en fais toujours un peu, mais c'est du loisir, hein. C'est pas quelque chose que je cherche à professionnaliser, quoi. Voilà. Donc Arnaud est un créatif, c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est quelqu'un qui déborde d'imagination, qui a des idées à foison. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il a trouvé un poste de chef. Alors, comment dire ça? De responsable créatif dans une agence de communication, en partie grâce à je suis un gamer.com. Donc, comme quoi, ce qui n'était qu'un blog a ouvert des portes à mes amis, et ça me fait vraiment très plaisir, quoi. Ah oui, c'est cool. En parlant de vitrine, effectivement, c'est quelque Ouais. chose de qui fait de enfin, vraiment faire plaisir à la fois bah, pour lui évidemment, ça j'enfonce des portes ouvertes, Bah mais c'est oui. même pour toi effectivement. Comme quoi, ça veut dire que ça fait la peine justement de persévérer là-dedans et avec justement des propres voix et des propres identités différentes de tout ce qu'on peut trouver, qui comme tu le dis est un petit peu toujours la même. Enfin, mis à part la mise en page, c'est vrai que c'est un peu toujours la même histoire. Ouais, Et c'est clair, c'est enfin clair. bon, Bah, après c'est il y la en a course au plus. temps, c'est la course à l'article publié le plus vite, c'est la course au trafic, forcément. Bon, après, bon, moi, tu sais, je travaille dans le web, donc je sais comment ça fonctionne, je comprends, mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait des valeurs qui se perdent, quoi. On aura peut-être une discussion un peu plus tard, justement, probablement. Je vais terminer rapidement avec les deux autres, du coup, parce que Ben tu m'avais oui. là posé la question. J'ai essayé d'être bref. Alors ensuite, il y a eu Pierre-Yves qui nous a rejoint, Pierre-Yves qui est belge. Pierre-Yves, c'est le cerveau de l'équipe, tu vois. Je pense que tu connais cette magnifique série, enfin magnifique, je sais pas, qui est la Casa del Papel avec le professeur. Si je devais comparer Pierre-Yves à quelqu'un, ça serait au professeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pareil, est très intelligent, très cultivé, qui suit des, enfin, qui est en train de travailler sur un doctorat lié à la traduction dans le jeu vidéo. Donc, pour le coup, lui, c'est un vrai spécialiste, tu vois, Ah, il est dans les Game Studies, lui. Ouais, exactement. Et voilà, exactement. C'est vraiment quelqu'un qui fait figure d'autorité et ça se ressent dans tout ce qu'il produit sur je-suis-un-gamer.com. Mais pas seulement, hein, parce qu'il a aussi un blog à lui. Et il me semble qu'il a aussi beaucoup écrit pour Extra Life, qui est un site mis au point par les anciens de jeuxvideo.com, la génération phare de jeuxvideo.com avant le rachat par Webedia. Et il a aussi une chaîne, il a ouvert une chaîne YouTube il a récemment et il s'est parce qu'il est un, il est doué mais en plus il est super drôle aussi. Ah ouais, bah ça Enfin, c'est clair, il a c'est un clair. humour très particulier mais très enfin en tout cas Ouais. pour qui apprécie, c'est vraiment super super bon et on apprend des choses en plus de manière vraiment ludique. C'est quelqu'un qui est vraiment effectivement talentueux. C'est un personnage à part entière qui rit beaucoup de lui et c'est ça que j'adore chez lui, c'est que il a beaucoup de second degré, mais son humour cache quand même une intelligence et une finesse, quoi. Et est-ce qu'il y a une dernière personne dans votre groupe ou Oui, et que tu connais donc Johanna, bien sûr. Et oui, qui participe au podcast avec nous, hein. Voilà, et Johanna qui est donc la dernière recrue, qui est plus si vieille que ça, puisque je pense que ça fait un an maintenant qu'elle fait partie de l'équipe. Johanna aussi qui est ancrée dans le jeu vidéo, puisque elle a fait une école de game design, elle a été game designer. Aujourd'hui, elle travaille dans une salle VR, tout comme Pierre-Yves d'ailleurs. Hein. Les deux travaillent en tant que salariés dans une salle de réalité virtuelle. Et elle aussi, c'est clair que c'est une personne incroyable. Quand tu la lis, bah, tu ressens tout son amour pour le jeu vidéo. Et c'est exactement ce que je recherchais. Elle a un fort dynamisme en plus. Ouais, voilà, exactement. C'est une personne très énergique. C'est ça qu'on dit, ouais. Énergique, énergétique, énergique. Ouais. Énergique, mais elle peut C'est une être personne. énergétique aussi, mais ça, effectivement, Ouais. Et puis, ouais, elle est vraiment cool. Non, mais effectivement, quand ça se voit quand on lit les différents profils, en plus, ils ont, comme tu dis, ils ont chacun des domaines en fait qui leur plaisent, qui se complètent bien. Je sais que Johanna par exemple, elle avait déjà dit elle aime beaucoup tout ce qui va être le jeu indé, Ouais. la VR, c'est vrai que la VR Pierre-Yves est vachement là-dedans. Et justement en Ouais. parlant de tous les contenus qu'il y a rapidement sans trop s'étendre dessus, mais quand même il y a vraiment des contenus vraiment différents sur Je suis un gamer, parce que bon t'as l'actu, mais finalement l'actu c'est pas ce qui prend le plus de place. T'as quand même donné beaucoup d'importance aussi aux tests évidemment, mais aussi aux Ouais. dossiers. Il y a des gros dossiers Ouais, des c'est vrai. Et tu peux me dire un peu justement pour comment en fait t'as calculé un peu on va dire le squelette de ce site-là? Bah, pour faire simple, si tu veux, c'est une combinaison de choses concrètes et de liberté dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se structure de plus en plus, tu vois. Clairement, on travaille comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on a un tableau, par exemple, avec la liste des jeux qu'on souhaiterait tester, des contacts, la date de sortie du jeu, la date de publication du test. On travaille aujourd'hui avec beaucoup d'éditeurs. Enfin voilà, et si tu veux, on essaie de mettre au point un média qui est à même de satisfaire tout le monde. Donc, c'est là qu'il y a la chose concrète, si tu veux. Dans ce qu'on fait, il y a, on va dire, il y a 60% du contenu est là pour répondre à une question précise. Donc, tu as évoqué les tests de jeux vidéo. On fait aussi des tests de produits high-tech. Voilà, ce contenu-là est créé afin de répondre à la question des internautes. Est-ce que ce jeu en vaut la peine? Est-ce que ce produit, je peux l'acheter les yeux fermés? Voilà, ça répond à des questions concrètes. Ensuite, autour de ça, voilà, c'est vrai qu'on a un contenu sur lequel on est un peu plus libre. Et la recette est très simple, en fait. On parle de ce qu'on aime dans le jeu vidéo, de ce qui nous motive dans le jeu vidéo. On dénonce aussi certaines choses, hein, parce que tout n'est pas tout rose, hein, dans le jeu vidéo. D'ailleurs, les dossiers, qui pour le coup sont vraiment des dossiers de fond, quoi. On sait très bien que ces dossiers-là sont beaucoup appréciés et reconnus. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos partenaires ou même des entreprises qui nous démarchent comme ça, qui nous disent, ah, vos dossiers, c'est vraiment quelque chose. À la base, je vous connais à travers ce dossier. Mais si tu veux, voilà, la recette, elle est simple. En fait, on a 60% du contenu qui répond à une question concrète, comme n'importe quel site, parce qu'on ne peut pas, si tu veux, se priver de ce genre de contenu-là. Ce contenu-là est porteur de trafic, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à être connu, c'est normal. Mais à côté de ça, on a 40% d'articles qui sont là pour apporter de la fraîcheur, de la convivialité, qui sont là pour nous faire réfléchir, nous faire rêver, nous faire pleurer, qui sait. Voilà, c'est ça la recette. Je suis un gamer.com. Ouais, bah, Vincent, à titre personnel, moi j'ai découvert le site c'était dans les chroniques un truc tout bête. Je sais que tu fais de temps en temps des chroniques qui sont plus sur le dessin, et t'avais fait, parce que des fois tu fais Ouais. venir aussi il y a les chroniqueurs et des gens qui vont faire après des chroniques un peu à part, et c'était voilà, c'était une illustration, parce qu'un jour j'ai connu il y a très peu de temps, hein, enfin j'ai connu en fin 2017 ton site, et en fait c'était parce que D'accord. je cherchais étant un grand fan, je le passe dans toutes mes vidéos, dans tous mes trucs, étant un grand fan de BioShock Infinite, mais comme toi. Et donc d'Elisabeth, et donc en fait, en cherchant des artworks, je suis tombé dessus, et après, justement, j'ai vu, tiens, tu vois, on parlait du site, ben, le site, sa mise en page, tout ça, effectivement, ça avait quelque chose de différent, et j'ai commencé à regarder les dossiers, alors je crois que j'avais switché de la chronique, enfin, des artworks d'Elisabeth de BioShock, t'avais fait après une chronique sur le livre BioShock que j'avais lu récemment, Ouais. donc justement, je regardais ça, et après, j'étais sur les dossiers mensuels, effectivement, les dossiers sont super travaillés, comme tu dis. On retrouve, ben, toi tu en fais, Pierre-Yves aussi en fait pas mal et tout. Et donc c'est vrai qu'effectivement, petit à petit, je me suis mis là-dedans. Et paradoxalement, c'est vrai que moi, ça va être plutôt les tests que je vais moins lire. Et je Ouais. vais être beaucoup plus dans le côté vraiment dossier, tout ça. Parce que je fais Ouais. partie de ces personnes qui, quand j'investis du temps pour lire sur Internet, j'aime vraiment lire vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est vrai que les actus, en général, je m'en sépare un peu. Et tu parlais de générer du trafic et tout ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait vivre aussi. Justement, quelle est la place maintenant de Je suis un gamer, en fait, dans le paysage justement des sites français de jeux vidéo, et puis un peu, si tu parlais un peu de la communauté, puisque j'en fais partie maintenant, mais qui se développe autour de ce site-là, parce que j'ai l'impression que ça vit quand même pas mal, en tout cas, ça vit et ça échange et ça partage, ce qui est le plus important. Oui, c'est le but, hein, c'est d'échanger, de partager, c'est d'être à l'écoute. Et c'est ça, je trouve, qui est dommage qu'on ne retrouve pas sur les gros sites. Et même étrangement chez certains blogueurs, c'est que, ben, moi, je pars du principe que quand quelqu'un prend le temps de s'intéresser à ton travail, c'est logique, normal que tu lui répondes. Et c'est vrai que l'un de nos principes, l'une de nos valeurs, c'est ça. C'est l'échange, c'est l'écoute aussi, parce que souvent il y a des lecteurs qui nous posent des questions très précises. D'ailleurs, je viens de lire les commentaires du dernier article de Johanna, qui, pareil, est un article magnifique, parce que tu retrouves toujours ce côté extrêmement concret, puisqu'elle parle de l'intégration dans une école de game design, mais le côté aussi plus personnel, où elle parle un peu d'elle, où elle raconte son parcours, et ça intéresse tout le monde. Et je regardais du coup ses commentaires, et ce qui est génial chez je suis un gamer.com, je dis pas ça pour me vanter, mais c'est que demain, Jonah aura répondu à tous les commentaires. Et du coup, ça fait un public heureux, et qui se sent bien chez nous, et nous, on veut créer une vraie petite famille, c'est ça le truc, quoi. Du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, la question subsidiaire que j'avais, c'était justement la place que prend maintenant dans le paysage des sites de jeux vidéo français. Je suis un gamer, parce Ah que je oui. sais que ça a quand même bien évolué, il me semble. Oui, alors c'est vrai que ben, j'en parlais, tu vois, la responsable des relations presse de Square Enix, puisque Square Enix est l'un des seuls éditeurs avec qui on ne travaille pas, avec Ubisoft. Parce que ce sont des éditeurs un peu comme Warner Bros, avec qui on est en très mauvais termes, d'ailleurs, parce qu'on est trop franc dans ce qu'on fait, et nous, de toute façon, on est franc dans ce qu'on fait, donc quand un jeu est pourri, on le dit, désolé, Warner Bros. Je pense que si Pierre-Yves m'écoute, il rigolera. Mais si tu veux, voilà, la responsable des relations presse de Square Enix me demandait de lui communiquer nos statistiques. Alors là, j'ai une info, une stat toute fraîche, c'est qu'en... En scoop, un an, si scoop tu veux. Pour Don't Deep Gaming. C'est, alors ça, c'est voilà. Le truc qui n'est jamais arrivé. Ah, merci. Bah oui, ah oui. En l'espace d'un an, on est passé du 80... Alors, du 90... Ah, attends, c'est dur à dire. Mais il est quelle heure? 17h45, je suis épuisé. Donny, tu peux pas savoir. Mais en tout cas, on est passé de la 99e place au classement de l'Association française du jeu vidéo, qui, si tu veux, répertorie tous les sites de jeux vidéo les plus fréquentés sur Internet en France. On est passé de la 99e place à la 60e en un an, donc c'est clair que c'est un bon magistral. Bon, après, c'est beaucoup de travail. On a beaucoup, beaucoup bossé pour y arriver. Et oui, je pense que c'est une place méritée et honnête, vu l'âge assez jeune de JSUG aujourd'hui, quoi. Bah ouais, c'est quand même, en tout cas, c'est une belle progression. Comme tu Ouais. dis, et d'ailleurs justement, alors rapido, sans rentrer trop dans les détails, mais justement, donc comment ça se passe quand tu prends des contacts justement avec les différents représentants et tout ça, c'est eux qui viennent Ouais. te démarcher maintenant ou c'est quand même toi vraiment qui fais par contact pour justement les rapports? Bah, si tu veux, oui, ouais, c'est vrai que moi, de mon côté, je suis pas mal chargé de tout ce qui est promotion du site auprès des éditeurs. Donc c'est moi qui cherche des contacts, qui entre en relation avec eux, qui essaie de voir s'ils pourraient nous accorder des jeux pour pouvoir les tester. Mais si tu veux, plus tu grandis, plus t'es connu et plus c'est facile, quoi. Oui, on revient à cette histoire de vitrine en fait et de carte de visite Ouais, quelque part. voilà. Au début, c'était très compliqué. Le premier éditeur qui nous a fait confiance, c'est Bandai Namco. Mais après, par exemple, Ubisoft, j'essaie de les contacter depuis 3 ans et ils me répondent pas, hein. Après, chaque éditeur, je pense, à son niveau d'exigence. Il y a des éditeurs qui travaillent qu'avec le top du top. Nous, on n'est pas encore le top du top. Je ne sais même pas si on cherche à être le top du top, tu vois, on s'en fout, mais... Mais tu parles en termes du top, en termes de qualité, ou tu parles en termes Ah non, de... la qualité, tu sais, Donnie, la qualité, ça importe peu à beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, en termes de Oui. trafic, de visibilité, voilà, et D'accord. de notoriété, voilà. Oui, il faut que c'est... voilà, il faut que vous repreniez, faut que vous, en fait, il faut qu'il vous juge être un investissement suffisant, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça exactement. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits studios et d'indés en fait qui nous contactent pour parler de leur jeu. Là, ils nous contactent directement et en fonction de notre temps et de nos disponibilités, on leur accorde un test ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Ah mais c'est cool, mais effectivement comme tu dis ça fait du boulot et comme t'es quand même quelqu'un, tu dis que t'as beaucoup de boulot mais t'aimes bien t'en rajouter, et justisyounggamer.com c'est aussi en chaîne YouTube. Ouais. Avec Ouais, c'est vrai, un contenu qui pour le coup qui est assez, qui est assez fun puisque finalement tu vas te parler un petit peu, il y a trois types de contenu mais alors déjà le premier, enfin comment c'est comme ça que j'ai connu par YouTube, c'était t'avais le côté des Sims 4 parce que tu développes quand même pas mal de choses sur des Sims 4, un petit peu les infos, les news, comment bien faire ces Sims, mais t'as aussi développé en fait une série. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait et comment où on en est en fait dans cette série, cette web série très importante qui est toujours mieux fichue que The Walking Dead, mais en même temps Ouais, c'est pas difficile. bah ouais, mais il y a moins d'effets spéciaux quand même hein, dans les Sims 4 avec la fleur. Ouais, mais il y a plus d'écriture peut-être maintenant. Peut-être. Honnêtement, tu sais, je sais pas. En fait, j'avais juste fait un let's play sur les Sims 4 et j'ai décidé, sur le coup, j'avais décidé d'opter pour une orientation un peu plus légère, moins sérieux. Mais je pense que mon contenu sur YouTube est très léger hein, de toute façon. Mais ouais, non, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Et puis après, je me suis rendu compte que ça donnait vachement bien, tu vois, de faire une série machinima, du coup. Machinima, c'est-à-dire une série où en fait, tous les plans de la vidéo font écho à l'univers du cinéma, quoi. Et c'est vrai que les Sims 4 avec la fleur, ça me permet de mélanger mes deux passions, que sont le jeu vidéo et le cinéma. Enfin, du moins la réalisation la réalisation vidéo, quoi. Mais je sais pas quoi te dire de plus vraiment, parce que c'est un projet vraiment très perso finalement. En fait, je réfléchis pas trop, je fais ce que j'aime. Ouais, mais justement, cool. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore, donc effectivement, donc tu prends les Sims et donc après tu fais une sorte de sitcom en fait, de Simscom. Ouais, c'est ça. Ouais. Si en fait, je crée une série télévisée à partir du jeu Les Sims. Les Sims 4, c'est juste le produit brut. Et autour de ça, moi, je modèle le truc comme si j'étais un sculpteur qui donnait forme à son machin, tu vois. Mais t'as fait justement plusieurs saisons, mais en fait, tu vas me confirmer, mais on a l'impression au début que c'était vraiment... Alors, c'est toujours fun, mais maintenant, quand même, c'est quand même beaucoup plus écrit, on a l'impression quand même, dans ce que tu fais. C'est vrai. Donc, c'est écrit parce que je sais qu'il y a des attentes. Parce que je lis les commentaires, je vois que les gens adorent, je vois que les gens me posent des questions... et c'est mon devoir en fait. Moi, j'aime le travail bien fait. Il faut que les Sims 4 avec la fleur se terminent de la plus belle des façons. Et moi, je vais ajouter du drama à fond. Et c'est vrai que j'écris. C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup d'écriture. C'est évident au niveau des dialogues, au niveau de la voix off aussi, parce que c'est elle qui dicte le ton de chaque épisode. Mais je sais pas trop quoi te dire de plus en fait, Denis. Bah, le mieux, c'est que les gens, de toute façon, ils aillent découvrir. Ouais, parce je qu'ils... pense, ouais, je et, pense. Et... C'est difficile à. Non, mais je comprends bien. Puis en plus, t'as... Mais bon, voilà, moi je pense ça parce qu'il y a vraiment, en plus, il y a des super bonnes vannes. On apprendra en plus pas mal de choses sur le rhum et puis sur l'île Maurice. Non, mais c'est vrai parce que tu mets vraiment des choses quand même. Tu fais des clins d'œil personnels et tout ça. Et c'est quand même, il y a vraiment des trucs drôles. Et des fois, tu fais même des petits raccords avec l'actualité, notamment tout ce qui est l'affaire Weinstein, c'est assez, mais ouais. On va pas spoiler, comme ça les gens iront regarder un petit peu ce que c'est Eric Lafleur. T'as fait aussi, là c'est de commencer les modes carrière donc sur Tennis World Tour, puisque c'est quand même un jeu que t'as suivi depuis son Ouais, développement et tout ça. Ouais, j'ai essayé. En plus, tu sais, je l'ai fait de façon super. Enfin, c'est l'ingratitude, mon pauvre Donny, c'est que j'ai fait. Pour le coup, c'est vraiment un jeu qui m'a passionné. Et j'ai jamais pu avoir l'aval de l'éditeur qui m'a jamais fait confiance, ne serait-ce que pour me donner quelques petites infos ou pour m'offrir une version du jeu. J'ai dû le payer avec ma poche, mais c'est pas la mer à boire, hein, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mais bon, c'est Tennis World Tour, c'est ouais, le mode carrière. Suit un peu finalement le mode carrière de WWE 2K18, qui est un jeu de catch. Et pour le coup, la carrière de ce jeu de catch était beaucoup plus fun à suivre que Tennis World Tour, hein, qui est un jeu très plat finalement, oui, peu consistant. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Et par contre, il y a une dernière chose, et avant qu'on change un peu de sujet, c'est que tu as aussi, et ça je crois que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur, et ça fait partie des jeux, quand on parlait de jeux vidéo, que tu aimes beaucoup, et qui n'est pas hyper connu, et qui n'a pas forcément été super coté par la grande presse jeux vidéo, ce qui ne veut rien dire, on est d'accord. C'est 3-on-3 Freestyle. Ça, est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que je sais que ça, c'est un truc qui te tient vraiment à cœur. 3-on-3 Freestyle, encore une fois, c'est une histoire de passion, quoi. C'est un jeu... Honnêtement, j'étais sur le PS Store, je suis membre PS Plus, et du coup, je regardais les jeux gratuits, et je voyais... ah ben non, mais je suis bête, c'est déjà un free-to-play, donc c'est un jeu gratuit. Non, je suis tombé sur ce jeu par hasard, j'ai testé, parce que j'aime bien le basket. J'en ai fait pendant longtemps. J'en fais toujours, d'ailleurs. Et j'ai testé ce jeu et ça a été un coup de cœur. Parce que j'aime l'univers très coloré, très cartoon. J'adore en fait le chara-design des persos, je les trouve trop beaux. Ils sont stylés, c'est un jeu fun. Pour rappel, c'est un jeu de basket, mais de basket de rue en fait. Hein. Voilà, exactement. C'est un jeu de basket de rue, c'est systématiquement des matchs à 3 contre 3. Et chaque personnage a ses caractéristiques propres et a un design propre. Alors il y a des personnages... qui sont des pivots, il y a des personnages qui sont des ailiers, il y a des personnages qui sont des shooters, il y a des hommes, des femmes, des gros, des minces, il y en a qui font du skate, il y en a qui portent des lunettes, enfin non, c'est un jeu vraiment génial qui représente la vie, quoi, et le jeu vidéo, c'est ça, c'est la vie, quoi. Puis surtout, c'est un jeu qui me tient à cœur parce que j'ai rencontré des gens formidables grâce à ce jeu, qui sont aujourd'hui mes coéquipiers de la team e-sport, que je gère, entre guillemets, c'est pas un gros truc, c'est pas un gros projet, mais je suis un gamer.com a lancé un championnat e-sport, c'est une grande première, parce qu'il n'y a pas de compétition e-sport autour de 3-on-3 Freestyle, si ce n'est en Corée du Sud, puisque le développeur du jeu est sud-coréen. Donc j'ai lancé ce championnat, c'est un énorme projet, ça fait 8 mois que je suis dessus. Alors c'est clair que ça représente énormément de travail. Pour te donner une idée, je passe entre 7 heures et 15 heures par semaine sur Talentful Freestyle. Et je parle de travail, hein, je parle pas de jeu. Ouais. Donc il y a tout le montage des vidéos, il y a l'organisation des matchs, il y a la mise à jour d'une page sur jesuisungamer.com avec un classement, des statistiques, mise à jour en temps réel, il y a un texte à écrire pour résumer chaque rencontre, enfin voilà, c'est un travail monstrueux. Je pense que j'ai mis la barre beaucoup trop haut. Haute? Haut? Je Ah, sais ça c'est dur à dire. Hein. Alors, le côté hauteur chez moi va dire le trop haut. Je crois que c'est la barre Bon, je trop haut. pense aussi, ouais. Et voilà, mais c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose que je fais par plaisir. Je cherche rien d'autre. J'aurais pu demander aux participants du championnat de payer des frais d'inscription, tu vois. Mais je l'ai pas fait parce que parce que je voulais que ça reste du plaisir. Alors après, tu sais, il y a des déceptions, hein, autour de ce projet. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Ce championnat sera pas réitéré parce que voilà, il y a eu des complications, quoi. Voilà. Mais en tout cas, Talentful Freestyle est un super jeu. Allez, jouer à Talentful Freestyle si vous m'écoutez, que vous aimez le basket de rue et si vous aimez les jeux multijoueurs, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est un jeu multijoueur et ça se fait rare, les jeux multijoueurs sans le côté rage quit, tu vois. Ah oui, le Voilà. truc bien insupportable pour tous les joueurs de Ouais, FIFA connaissent ce c'est clair. classique du Rush Week. Alors, on va quitter justement gentiment jeuxingame.com pour partir plus dans le jeu vidéo en général. Juste avant Ouais. de quitter l'aspect du site, il y a quand même un truc moi que j'avais beaucoup apprécié quand j'ai fouiné sur le site, parce que quand il y a un truc que j'aime bien, j'ai tendance à fouiner un peu partout. C'est pas que je stalke les trucs, mais c'est que tu parlais justement de ne pas faire payer les participants à tuer un truc freestyle. Il y a un truc que j'ai trouvé quand même super bien aussi dans ta démarche. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à un moment, tu recherchais peut-être un nouveau chroniqueur, une chroniqueuse, parce que je sais que la parité, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Et surtout, c'est qu'en fait, tu ne fais pas. Enfin, en fait, tu payes quand même les chroniqueurs, alors à un certain niveau, mais voilà, c'est pas un Ouais. travail gratuit. Et ça, c'était une démarche que j'avais trouvée intéressante. Alors, je ne vais pas demander de Oui. commenter là-dessus, parce qu'effectivement, je ne vais pas te mettre non plus en disant oui, bon, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Dans cette manière-là, de ne pas profiter, parce que comme tu dis, c'est quand même un boulot, Ouais. en plus souvent d'un Bah, bien boulot que sûr. chacun a. Et donc voilà, et là, Ouais. pour le coup, c'est plutôt quelque chose que j'avais vraiment envie de pointer, parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Et donc juste, oui, bah, écoute, si tu veux passer une annonce, par contre, pour une chroniqueuse, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent, ben, aller sur le site, je crois qu'on peut encore postuler, faire avant que c'est changé. Ouais, exactement. Bah, on cherche à composer une équipe mixte, autant de garçons que de filles, parce que les filles, je pense, sont pas assez représentées dans le jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai pensé, tu vois, je pensais au sportif, enfin, aux joueurs e-sport féminins français. Et à part Kayane, bah, je vois personne, tu vois. Donc, En fait, il y en a, mais c'est toujours pareil, c'est qu'il y en a, alors il y en a pas suffisamment, mais le gros problème qui va. Et il y a eu tout récemment, et je pouvais le trouver sur internet par le site de Women in Game France, qui est une asso qui fait un Ah super boulot ouais, là-dessus. Et il y a eu d'accord. justement toute une série de conférences sur l'e-sport, et justement, ils ont parlé de la place des femmes. Et donc, il y en a. Le problème, c'est que c'est pas tant, forcément. Il y en a pas suffisamment, mais c'est parce que surtout, c'est la visibilité. Tu vois, en fait, on parle de Kayane, c'est la première qui vient à l'esprit. Il y en Ouais, a plein d'autres, ouais. mais c'est juste que le grand public ne le sait pas forcément. Parce qu'il y a vraiment un manque de visibilité en fait de figures en fait qui seraient moteurs, et c'est vrai que ça c'est vraiment dommage. Et donc justement, en partant sur le côté jeu vidéo un peu plus large, alors on va rester juste parce que là c'est un truc qui fait l'actu rapidement, et ça correspond un peu à ce que tu disais sur au niveau des sites. Je sais pas si tu as vu récemment pour le jeu Dead Cell qui vient de sortir, tu as eu une Ouais. histoire de plagiat justement sur c'est IGN, hein, il y a un gars qui a plagié plus ou moins une critique, donc il s'est fait virer tout ça. Et donc justement, ça, est-ce que t'as, alors c'est pas commenté là-dessus, mais c'est ce côté-là justement, l'honnêteté intellectuelle, est-ce que ça, tu l'as souvent rencontré, ce côté un peu se tirer dans les pattes, ou justement toi, avec, t'arrives quand même à être un peu à part avec le Suisse Gamer, on a vu, il y a eu des bastons entre journalistes et surtout entre fans, parce que la Ouais. toxicité de la fanbase, des communautés, c'est assez horrible. Alors, ta question, du coup, c'est est-ce que on a eu des soucis avec d'autres journalistes ou est-ce Ouais, qu'on a voilà, été plagié ou... ouais, Ouais, voilà, ou est-ce d'accord. que t'es quand même vigilant là-dessus et tout ça, parce Ah qu'on sait que oui, ça, les énormément, rapports que vous énormément, entretenez surtout. avec d'autres journalistes d'ailleurs. Ah ouais, bah si tu veux, de toute façon, moi je sais que mes équipiers ne plagieront jamais. De toute façon, quand je recrute quelqu'un, ça prend du temps et je le fais bien. Et je communique beaucoup avant de recruter quelqu'un. Mais étant donné que c'est mon métier, le web, je connais le web par cœur, ça fait 10 heures que je travaille 10 ans que je travaille dedans. Oui, systématiquement, si tu veux, il m'arrivera d'utiliser un logiciel de, comment on appelle ça, un plagiarism check, donc un logiciel qui vérifie si un de nos contenus a été plagié. Et si ça arrive, moi, je prends contact avec le webmaster et je lui dis, tu nous vires ça, sinon on te fout un procès au cul, hein. Non, je rigole. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Par contre, nous, on a eu des plaintes étonnantes, pas vraiment fondées. Monsieur Toc, par exemple, qui était venu un jour me contacter, il avait sorti un test de Cybaria 3. Et à l'époque, c'était Joanne, une autre journaliste de jesuisungamer.com qui avait publié ce test. C'est d'ailleurs une excellente journaliste, dont j'ai jamais eu aucun doute sur son intégrité. Et je voyais pas où était vraiment le problème, mais je pense que c'était une question de visibilité. Monsieur Toc avait sorti sa vidéo le premier, comme par hasard. On avait sorti nos tests les premiers, ça lui a pas plu parce que ben, ça lui faisait de la concurrence. Donc oui, ça existe la concurrence dans le web et surtout dans le jeu vidéo. C'est vraiment au niveau de la communication et du journalisme dans le jeu vidéo, tu peux pas imaginer à quel point c'est pourri. Voilà. J'ai eu des échos, j'avoue que moi je suis assez loin de tout ça, mais j'ai eu des échos, effectivement, hein, apparemment c'est pas forcément c'est pas le pays de Candy et des bisounours et des Ben, licornes. si tu veux, nous on cherche pas tu vois. Plus on est tranquille, mieux on se porte, en fait. Oui, vous tracez votre route tranquille dans votre coin Ouais, et on puis s'en après, fiche de ce que font voilà. les autres. Mais tant qu'ils nous emmerdent pas et tant qu'ils manquent pas de respect à notre travail, tout va bien, quoi. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Après, si on parle plus dans le cadre jeu vidéo, pour finir quand même sur une note plus décontractée, parce que bah, le but c'est quand même de parler aussi des choses qui sont bien. Alors comme tu dis, je Ouais. sais que vous, des fois, bah, quand c'est pas bien, vous le dites. Bon, moi de mon côté, je parle que des trucs qui me plaisent. Je m'arrête pas sur les trucs qui me plaisent pas. Mais bon, moi je suis encore plus confidentiel que vous, donc j'ai pas de problème. Moi, j'avoue que je rate pas les vues ni quoi que ce soit. Je préfère que les gens commentent et je me calcule pas du tout mon Ouais. contenu en fonction de si ça va faire du trafic ou pas. Par contre, non, justement, dans les jeux vidéo, justement, quel a été ton premier, comment t'es tombé dedans? Quel était le premier jeu vraiment qui t'a marqué, auquel t'as joué en fait? C'était quand déjà? Alors ça remonte à des années. J'étais un petit garçon. Quel âge j'avais, j'en sais rien. Je devais avoir 10 ans peut-être. Et en fait, j'avais pas de console et j'allais jouer chez mon voisin. Et il avait une Super Nintendo. Et du coup, bah, tous les dimanches après-midi, j'étais chez lui à jouer à la Super Nintendo. Et le premier jeu auquel j'ai joué avec lui, c'était Killer Instinct sur Super Nintendo, du coup. Les jeux de baston, enfin de combat. Voilà, un jeu de baston. Puis bon, je jouais pas forcément bien, lui non plus. On était des gamins de toute façon. Mais ouais, c'est le jeu qui m'a marqué le plus. Enfin, qui m'a marqué le plus, non. C'est le jeu qui m'a fait découvrir vers des jeux, clairement. Ouais, mais en plus c'est les jeux, en plus les consoles, c'est vrai que enfin, c'est le jeu où tu es, comme tu dis, en fait, c'est le multijoueur, mais multijoueur de salon. Et c'est en fait quelque part ce qu'il y a de Ouais, mieux ouais. pour créer des liens, en fait. Ah, c'est clair, c'est clair. Et Du puis moins à cette après, on époque-là. a enchaîné avec les classiques, hein, Mario Kart. On a passé des années, des heures et des heures à Mario Kart. Ses parents avaient une résidence secondaire. Merde. Non, c'était pas en Ardèche, c'était où? Je sais plus. Bon, peu importe. Et du coup, il transportait toujours sa console avec lui et on n'allait jamais dehors. C'est tellement dommage alors qu'il y avait un magnifique lac et des forêts. Mais bah, qu'est-ce que tu veux? On jouait à Mario Kart, on était heureux comme ça, quoi. Ouais, bon, mais oui, bah en même temps, je pense que il y a toujours cette activité de la console à cette époque-là. C'est vrai que Ouais. en général, ben moi, si je veux me souvenir, c'était ça, c'était aller jouer au foot dehors et quand tu rentrais, tu faisais un foot dedans, en fait. Donc Ouais, c'est ça. si t'aimais le foot, après il y avait d'autres types de jeux. Mais justement là, donc tu parles de la Nintendo. Donc est-ce que t'es plus maintenant justement un gars Nintendo ou t'es parti maintenant plutôt des consoles? D'ailleurs, t'es console ou PC quelque part? Oh, moi, je suis clairement console. Clairement console. J'aime pas jouer sur PC parce que je travaille déjà sur PC, en fait. J'ai besoin de cette rupture. J'ai pas envie de finir un texte pour un client et d'ouvrir ensuite une appli pour jouer aux jeux vidéo devant mon PC. J'ai besoin voilà, de me retrouver dans une autre pièce, sur mon canapé ou mon fauteuil ou mon pouf, ce que tu veux, mais avec ma bonne vieille console, quoi. Ouais, pour moi, c'est important de jouer sur console, clairement. Tranquille dans le canapé, ouais. Et donc en fait, t'es plutôt quoi alors maintenant dans les consoles? Tu restes sur du Nintendo ou t'es Ah plutôt non, passé sur autre absolument chose? pas. C'est vrai que c'est bizarre parce que pour beaucoup de personnes, Nintendo continue à avoir cette image de jeu pour enfants, en fait. Et moi, je pense que c'est un peu le cas, en fait, hein. Jeu pour enfants ou jeu occasionnel? Ou familial, ou après, je pense qu'il y a une Voilà, grosse ouais. nostalgie aussi qui joue dedans, enfin, ce côté. Ouais. Mais en fait, c'est pas du tout le côté qui m'attire dans le jeu vidéo. Moi, j'avoue, hein, que je suis un gros fan de Sony depuis la PSP. Je m'étais acheté une PSP quand j'étais étudiant et je trouvais que c'était une console portable magnifique. Il y avait énormément de jeux très divers d'ailleurs. Puis après, j'ai enchaîné sur une PS3. Après, j'ai une PS4. J'aurai probablement une PS5. Non, c'est con, hein, c'est le côté fanboy, mais je sais pas. Je suis très attiré par Sony, par leurs exclus aussi. Je trouve que Sony est un éditeur qui a des exclus assez rares, hein, qu'on ne retrouve pas chez les autres, sur les autres supports. Même Xbox, quelque part, est un peu largué à ce niveau-là, hein, Bah, je trouve. Xbox, ils ont essayé là justement de prendre des nouveaux studios pour diversifier ça, parce qu'effectivement, on a Ouais, l'impression que ouais. certes, après, ils ont des studios, des gros studios, effectivement, Sony. Et alors, pour peu que là, toi, t'es que console, mais c'est effectivement, si t'as un PC et une console, le choix est quand même assez vite Ouais. fait, parce que Ah forcément, oui. la plupart des exclus Microsoft, pas toutes, hein, évidemment, mais la Ouais. plupart vont à terme sortir sur PC, donc effectivement, C'est c'est un clair. truc. Bon, moi je te comprends totalement, je suis dans la même optique que toi. J'avoue que Nintendo, je trouve ça bien qu'il y ait une diversité. Je vais jamais taper sur Nintendo parce que c'est pas, je vois pas l'intérêt. Mais effectivement, moi ça ne me parle plus et j'ai plus cette nostalgie-là alors que j'y jouais quand j'étais Ouais. gamin. Hein. Même si j'étais plus un Sega en fait qu'un Nintendo, je crois. Mais on parle pas de moi, D'accord. c'est la conversation tourne autour de toi et pas de moi, donc peu importe. Sinon, je ferai un Interplayer One tout seul et puis ça sera mieux. Mais donc voilà. Et sinon, par contre aussi, quand on parlait de jeux vidéo, en tout cas. Y a un jeu que t'aimes beaucoup, d'ailleurs c'est même un personnage que t'aimes beaucoup. Est-ce que tu peux nous Ouais. en parler en fait? Parce que justement quand on a préparé l'émission, que j'ai vu ça, j'étais ah ben oui. Et ça m'étonne pas quand tu parles après de 3-on-3 Freestyle, parce que ce côté coloré, un peu pop, est-ce que tu peux me Ouais. parler d'un de tes jeux préférés que tu voudrais conseiller à tout le monde? Bon, c'est Lollipop Chainsaw parce que Tu peux expliquer comment d'ailleurs ce dire? qu'est le jeu pour ceux qui connaissent pas? Ouais, bah en fait, c'est dire Lollipop Chainsaw, c'est un beat'em up déjà, donc c'est un genre qui commence à se faire rare, je trouve. C'est un beat'em up bien dans la tradition japonaise parce que c'est un jeu qui a été développé par Suda 51, Suda 51, je sais pas trop comment dire, qui est un super concepteur de jeux au Japon. Il est très connu au Japon et puis même en Europe. Et pour faire court, c'est un jeu, si tu veux, où tu incarnes une cheerleader. Alors attention, ça fait très cliché, hein, j'ai un peu honte. Mais c'est une cheerleader qui s'appelle Juliet Starling, qui est blonde, qui porte une mini-jupe forcément, qui adore les sucettes. Et du coup, c'est un personnage très, très cliché. Mais en fait, si tu veux, elle entre tellement bien dans l'histoire du jeu que voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Bah c'est le côté fun, parce qu'en fait il y a l'histoire de fracassage de zombies et tout ça dans ce jeu-là. Voilà, en fait, elle est chasseuse de zombies de génération en génération. Elle vit dans le plus grand des secrets parce que sa famille est spécialiste de la chasse de zombies. Et elle a un sensei d'ailleurs qui est complètement burlesque. C'est un petit japonais qui fait du karaté. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, En fait, c'est. ce jeu, c'est du grand n'importe Oui, c'est quoi. un mélange de C'est pour ça Dragon que. Ball Z avec Buffy, avec Britney Spears, avec Ouais, Harley Quinn, enfin exactement. c'est. Il y a tout un tas de références en partant de. Enfin, tu vois, du Evil Dead, du. Comment ça s'appelle? Totally Blonde, non? Je sais plus si ça s'appelle comme ça ce film. Totally Blonde ou Legally Blonde? Ah oui, Le film Legally avec Blonde, c'est ça. tu parles du film avec comment il s'appelle avec Reese Witherspoon. Ouais, qui joue dans Wild, qui est dans un genre totalement différent et qui est énorme, énorme. Exactement, oui, très bon film d'ailleurs, Ouais, Wild. c'est exactement ça. Donc, tu vois, c'est la réunion de plein de genres avec plein de références au cinéma et à la culture pop. Et c'est un jeu complètement fou, en fait. C'est l'humour qui prédomine dans ce jeu. C'est pour ça que c'est mon jeu préféré, parce que t'es plié en deux à chaque fois, en fait. C'est tellement stupide, tellement stupide. Mais à côté de ça, t'as quand même un gameplay qui est vraiment jouissif. C'est un beat'em up qui demande beaucoup de perfectionnement. Il faut vraiment maîtriser les combos pour se débarrasser des boss zombies qui sont super bien foutus. En fait, chaque boss, pareil, fait écho à un genre musical. Tu vois, le premier boss, c'est Zed, c'est un mec qui fait de c'est un hardcore rocker. Après, t'as Mariska qui est plus dans le style reggae, qui fume des pétards. Enfin, c'est complètement tiré par les cheveux, ce jeu, et je vous le recommande juste parce que C'est une bouffée d'air frais, quoi. C'est Oui, une c'est des. magnifique parenthèse Ouais. pour vous évader du quotidien, tellement ce jeu, on arrive facilement à s'en attacher, quoi. Ouais, mais de toute Voilà. façon, comme tu dis, Vincent, toutes les productions Suda 51, c'est, il y a toujours un côté assez frappadingue et tout ça, mais très Ouais, stylisé, très stylisé. Et c'est le clair, ouais. gars est le gars qui dirige le studio, de toute façon, est Et d'ailleurs, assez je crois branco. Lollipop Chainsaw est le plus grand succès de ce studio, hein. C'est Puisque je possible. crois que le. Il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais attends. Je crois que le jeu s'est vendu en 500 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal. Pour un studio qui est pas non plus. Qui fait pas non plus des triple A, quoi. Mais justement, d'ailleurs, en parlant de, alors, triple A ou pas forcément que triple A, mais on va un peu s'avancer dans le temps, puisque là, on parle de ce que tu as joué, ce que tu as aimé. Là, justement, de ce qui arrive là à la rentrée ou même pour l'année à venir, ça, c'est quoi vraiment le jeu que tu attends le plus ou les jeux que tu attends le plus qui vont débarquer là bientôt? En fait, au fil du temps, il y a de moins en moins de jeux qui me fascinent, quoi. Parce que je trouve que les mêmes jeux se répètent souvent. Alors bon, parce qu'il faut répondre, je te Ah non, mais t'es dirais pas oui. obligé, si on peut partir et je te comprends, moi c'est pareil, je te comprends de plus en plus finalement, les gros Ouais. titres me hype. Tu vois là, je sais qu'aujourd'hui où on enregistre, donc ça sera pas là quand on va sortir la vidéo, mais nous sommes en août, il y a Ouais. la vidéo là en ce moment même de gameplay de Red Dead Redemption 2, je sais que je ferai le Ouais, jeu, mais je suis pas hypé ouais. par le jeu. Ouais, d'accord. Tu vois, moi, c'est pareil. C'est pareil. Je pourrais te citer Shadow of the Tomb Raider, mais Rise of the Tomb Raider m'avait pas mal déçu, et je m'attends à un jeu qui va recopier les mêmes mécaniques. Alors, certes, on va changer d'environnement, on va changer de décor, mais voilà, ça sera toujours plus ou moins la même chose, malheureusement. Faut que Bah, si, il y a... tu demandes à Square de t'envoyer le jeu et essayer de se rabibocher Ah, avec mais ils me eux. l'enverront, hein, ils vont me l'envoyer, là. Si, il y a un jeu que j'attends qui n'est pas annoncé, c'est... Pareil, moi, tu sais, j'adore les jeux délirants. Et un jeu que j'attends, c'est... C'est Plants vs Zombies Garden Warfare 3. Qui sortira, c'est sûr. C'est un jeu... C'est un FPS qui est inspiré du jeu... Du hit, en fait, qui est sorti sur smartphone, quoi. Plants vs Zombies, je vois pas si tu vois de quoi il Si, si, je vois s'agit. très bien. Alors, c'est pas mon type de jeu, mais je vois très bien Ouais. de quoi tu parles, Voilà, effectivement. c'est un jeu pareil, léger, c'est multijoueur, mais pareil, c'est multijoueur bon esprit. Et voilà, jeu qui te régale, quoi, parce que tu t'amuses et t'as des fous rires. Voilà, c'est le jeu que j'attends. Mais le problème, c'est qu'officiellement, ce jeu n'est pas annoncé. Donc, je sais pas si ça répondra vraiment à ta Ah question. non, mais de toute façon, tu réponds un comme tu veux, puis je pense que même s'il est pas annoncé, il sortira probablement avant Half-Life 3, donc on est tranquille, Ouais, hein. il sortira, ouais. Je pense qu'il va Et sortir en 2019. mais non, non, mais c'est ça qui est bien aussi de voir justement, comme tu dis, des fois il y a une sorte de fatigue aussi, le fait de prendre toujours des infos et de pas savoir quand les jeux vont sortir. Ouais. Donc effectivement, il y a plein de jeux qui t'intéressent mais qui te hype pas, et moi je comprends tout à fait Non, donc. c'est clair. Franchement, c'est clair. Il y a très très peu de jeux qui me hype, quoi. Pourtant, j'y réfléchis, hein. Je me dis, ah, la rentrée arrive, ça serait bien que tu t'achètes un nouveau jeu. Bah, en fait, j'ai l'impression d'acheter des jeux juste parce que. Non, c'est pas qu'il faut les acheter, mais juste parce que j'ai envie de boucler l'histoire. Surtout qu'aujourd'hui, les jeux ont souvent des suites, quoi. Donc, Ouais, il y a t'as tout, commencé une histoire, c'est un c'est peu dommage de dommage pas ça la d'ailleurs. Ouais. terminer. Mais Ouais. ouais, oui, parce que tu vois, il y a où t'as le Spider-Man qui sort, mais c'est pareil, c'est pas un jeu qui me hype moi. Mais Ouais. après justement, toi, là on revient un peu sur le côté test, mais justement, est-ce que des fois c'est pas embêtant de parce que tu vas jouer à un jeu pour le tester et quelque part d'avoir ce regard de test-là, t'arrives à faire justement la balance entre le fait d'avoir le côté professionnel et le côté quand même de profiter vraiment du jeu. Bah, c'est clair que quand tu testes le jeu, du coup, tu te bases sur des critères beaucoup plus tangibles, quoi. Tu mets un peu moins l'émotion de côté, même si je pense que c'est important d'en parler. Mais ouais, il faut faire la part des choses, clairement. Mais je pense que Carnot, Pierre-Yves et Johanna sont meilleurs dans cet exercice qu'au moins. Moi, je t'avouerai que si un jeu m'intéresse pas, je le testerai pas, en fait. Ouais. Donc il y a quand même ce petit côté attachement vis-à-vis du jeu, enfin attachement, curiosité quoi, curiosité personnelle. Ouais, mais je comprends, hein, de toute façon, ce côté-là. Puis c'est bien, ça évite aussi d'avoir un avis des fois trop biaisé parce que Ouais, bah oui. si tu pars en reculant sur un jeu quelque part, déjà tu vas être beaucoup plus Enfin, tu risques de te focaliser sur les défauts et justement, moi, se laisser une chance. Enfin, bon, après, moi, j'avoue que le test aussi, c'est pas un truc que je suis. Je pense pas que je serais Ouais. très à l'aise. J'ai jamais trop essayé, mais je pense pas que je serais super à l'aise non plus. En tout cas, enfin, c'est pas un truc qui me Ouais, branche dans bah tu l'absolu. on s'en rend beaucoup compte tous les quatre hein, que c'est pas notre exercice préféré. C'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est très répétitif. Et Ouais, ben puis c'est. c'est pas, je pense que c'est pas ce qui représente je suis un gamer.com non plus les tests. Bah, C'est. comme tu dis, c'est quelque chose qui quelque part, entre guillemets, que tu dois faire parce que c'est attendu, mais effectivement, Ouais, je ouais. pense que c'est bien après que l'identité se diffuse d'une autre manière, même si, comme tu dis, dans chaque test, quand même, on retrouve une certaine plume, et c'est là que, façon, que la plume fait la différence, et de toute manière, parce que sur les tests que t'aimes, que t'aimes pas, les points forts, les points faibles, ils vont se recouper d'un site à l'autre, et ce qui compte, mais c'est quand même quand tu fais de la création, c'est pas tant ce que tu Oui. racontes, parce que depuis la nuit des temps, tout le monde a raconté les mêmes choses, c'est la façon dont tu le racontes, et c'est là que la voix sert. Exactement. Hein. Donc, Bien et sûr. c'est pour ça que moi j'aime beaucoup votre voix et c'est pour ça que je suis content d'entendre ta voix aujourd'hui pour cette conversation. Et justement, avant Mais de. moi aussi, Ben, moi aussi. merci, ben oui. Mais avant de se quitter, justement, la Paris Games Week, est-ce que vous y allez faire un tour ou pas du Oui, tout? la Paris Games Week, c'est sûr, on va y aller. On va. J'espère vraiment qu'on y sera tous les quatre, mais il n'y a pas de... n'y soit pas tous les quatre. Ok, Et on bon. fera certainement des interviews, des petits vlogs, parce qu'on veut que ça reste convivial et accessible aussi. On ne veut pas quelque chose de trop austère. Voilà. Ce sera fait dans l'esprit JSUG. Et ben exactement, donc JSUG, on le rappelle, je suis un gamer.com, donc c'est le site où on peut trouver aussi donc sur YouTube, de toute façon sur le site vous avez tous les accès. Ben, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette première de Interplayer 2, avec mon super accent. Et ben, merci à toi. Et ben écoute, je t'enjoins à continuer ce que tu fais parce que je trouve que c'est super bien, ça, à titre personnel, je trouve ça vraiment très intéressant et ça booste aussi parce que je crois que le but aussi, c'est les créateurs et les créatrices dont on parle et leur création dans les jeux vidéo nous boostent à en parler, mais je pense qu'aussi échanger avec justement les Oui. gens comme nous qui font de la prescription, et je dis pas des influenceurs, j'aime pas ce truc Ouais, d'influenceur, ouais, c'est pas mon ouais, truc, ouais, mais de la prescription, je pense que c'est ce qui fait avancer aussi, donc j'étais très content de discuter avec toi, je sais qu'on discutera après de manière interposée sur YouTube, par commentaire, peut-être à la Paris Games Week si un jour j'y viens, je sais pas. Et en tout cas, ah, donc, bah, je t'y inviterai. Je ben viendrai te chercher. on verra ça, on verra ça. Je prendrai mon hoverboard ou mon Faucon Millenium. Et donc, je viendrai en vitesse lumière. Mais en tout cas, donc, je te remercie vraiment d'avoir participé. Et puis voilà. Et puis, non, mais longue vie à je suis un gamer.com. Et puis, longue vie aux jeux vidéo, parce que je pense que c'est quand même ce qui nous motive pour beaucoup, en tout cas, dans notre vie, à nous. Et donc voilà. Donc, merci, un grand merci, Eric. Et merci aussi à vous tous d'avoir écouté cette première de Interplayer 2. J'allais dire Player 1, mais non, c'est moi. Interplayer 2. Ben, pour la prochaine, je vous dirai, c'est un format que j'ai envie de faire mensuellement pour justement, comme je dis, faire découvrir des gens qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de créateurs, de créatrices. Et je trouve que c'est bien aussi de mettre en lumière ces personnes-là. Tu en fais partie, Eric, donc je te remercie une nouvelle fois. Merci, merci à toi, merci à toi. Franchement, c'était génial. J'ai vraiment adoré, vraiment. Eh ben merci, ben écoute, eh ben à très bientôt, à tout le monde, à toi, à tous ceux qui nous ont écoutés et à tous ceux qui le veulent. Je cite Grégoire, donc je vais en finir de suite parce que sinon ça va pas le faire. Allez, ciao, ciao! Ciao.